Ah ah! Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM, je m'appelle André Péloquin et c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. J'espère que vous passez une excellente journée parce que moi je m'amuse comme un petit chien chaud dans une allée de bowling. On va débuter dès maintenant notre deuxième heure, on va débuter avec des pièces plutôt indie rock, comme le veut l'expression des critiques musicaux. Eh bien, on va débuter avec les Bad Dudes. Ensuite, on va enchaîner avec la formation canadienne All Purpose Voltage Heroes. Ensuite, on va y aller avec Dracula Zombie USA. Et on va terminer avec les Montréalais The Lovely Feathers. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, eh bien, faites-moi parvenir ça par courriel plectrumcism@hotmail.com. Il y a aussi mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Et finalement, si vous aimez la balado-diffusion, le podcasting, les trucs que tu peux télécharger sur ton iPod, eh bien, va sur le pod modernisme, podmodernisme.blogspot.com et amuse-toi! On débute dès maintenant avec Bad Dudes et la pièce ou si vous préférez, FFFFFFFFF sur la marge, le 89.3 FM, CISM. New York City police officers war on... And when they growl stereo sound. This is our town, and we keep all the keys. You might see monsters and they're sane. Let them fly. But we got to go, there's more below. And they want more blood than we have to throw. You said I should take a train to the other town. But how? Yeah! eyes. Listen, listen, I'm walking on my throat again. Let's go in the Luna streets. We breathe in the Luna streets. We breathe. Oh, let's go outside and put the car in drive to the cornfield sign. Now let's take off our pants, kiss the corner dance, kiss the corner romance. I'm walking on my toes and on and on. Tant que je peux le constater, le chat qui l'a mordu est très venimeux. Un chat venimeux? Mais comment c'est possible? J'ai trouvé un morceau de chemise taché de sang ce matin. Rachel et moi avons vérifié ce sang. Il était mutant, je n'avais jamais rien vu de semblable. Peut-être que ce chat a la rage? Ah non, j'ai vu la rage et ça n'a rien à voir. Ça, c'est une mutation. Et non la rage. Ce chat sort d'un laboratoire, y a-t-il un rapport? Mais de quoi vous parlez? Taisez-vous, Graham! Suzanne a sûrement raison. Il y a tellement d'expérimentations d'animaux en laboratoire. Peut-être il est possible qu'il ait pu subir une expérimentation chimique du système nerveux. Je sais pas, mais il se pourrait que notre chat administre sa chimie lors de ses morsures. Alors si on lui a administré une sorte de stéroïde métabolique, ça pourrait expliquer la puissance de ses morsures. Tu veux dire par là qu'ils ont empoisonné ce pauvre chat et qu'il est un danger pour nous tous? Tout ce dont je suis certain, c'est que les cellules de Mike se multiplient à une allure phénoménale. Ça y est, on a les droits! Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se déroule dans tes oreilles. On vient de terminer avec les Lovely Feathers directement de Montréal. Espèce de ville, l'après, Seattle, c'est ici. Ouais, vive Montréal! Achetons des t-shirts. C'était la pièce de Only Appalachian Cornfield tirée de leur EP éponyme un peu avant. Un maxi éponyme, pardon. Un peu avant, on avait les Dracula Zombie USA avec Beer Island dans le sens de l'île des ours. Rrr, et non pas l'île de la bière. C'est tiré de leur album éponyme un peu avant. On avait les Alperpus Voltage Heroes avec la pièce Altered Beasts. Oui! Comme le premier jeu sorti au Sega Genesis! C'était tiré de leur maxi Already Haunted et on a débuté avec les Bad Dudes. C'était la pièce. Ou si vous préférez, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF moins électro, on va avoir du Duchess 16, du We Are Wolves et du AIDS Wolf. Et c'est tous de Montréal. Oulala! Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, plectrum.cism@hotmail.com. Et il y a aussi mon site web, c'est le plectrum.cism.blogspot.com. Et ma balado de diffusion, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute maintenant avec Cut Up de Duchess 16. La guerre des gangs envahit la ville. Un privé recherche une jeune fille kidnappée. Et l'exécuteur fait la loi. L'exécuteur défie l'empire du kung-fu. Wang Chun-Li, plus puissant que jamais. Aujourd'hui, il est peut-être plus fort que Bruce Lee hier. Venez juger vous-même. Ah ! L'exécuteur défie l'empire du kung-fu. Une lutte sans merci entre deux hommes. L'un désire faire triompher la justice. L'autre veut faire éclater sa force pour être le maître. Tous deux ont un même ennemi, l'Empire Noir. L'Empire Noir, c'est la corruption et le crime au pouvoir. L'exécuteur défie l'Empire du Kung-Fu. L'exécuteur, ses méthodes pour tuer sont sans limite. L'exécuteur, c'est Wong Shang-Li, le nouveau grand maître des arts martiaux, dont l'exécuteur défie l'Empire du Kung-Fu. Quand éclate la guerre du Kung-Fu, l'exécuteur est là. Il vous attend prochainement dans cette salle. Et que ça donne le goût d'aller voir le film. Bonjour tout le monde, j'espère que tu t'amuses comme tu t'amuses. Je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer avec AIDS Wolf, c'était la pièce Pantomime tirée de leur maxi The Lovers. Un peu avant, on avait les We Are Wolves avec Trouble tirée de la compilation Montreal Noise sortie par le magazine Nightlife. Et on avait un peu avant Cut Up, c'est The Duchesses tirée de leur EP éponyme. On va poursuivre avec un peu de rap, de hip-hop. On va avoir du Cardinal Official, du Cadence Weapon, du Spank Rock et un remix d'une pièce de M.I.A. par les Robots de la Rime. Bien sûr, qui dit rap, dit musique de la rue, dit 50 Cent, dit ça va sûrement parler de violence et de vagin. Alors, si vous avez des enfants à l'écoute, prière de les initier aux choses de la vie, ou sinon de changer de chaîne, de station, ou de baisser le son un peu pour les 10-15 prochaines minutes. Là-dessus, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, plectrum.cism@hotmail.com, plectrum.cism.blogspot.com. On débute dès maintenant avec Cardinal Official sur la marge. À tout de suite. Oh oh! Cardinal with the one that does his skin. Up in time. You know it's Cardinal the official. P-Dot nigga. Cartel the Imperial. Black J's nigga. With the new flow and the new serial. We see y'all. Swim sir. Gangsta shit. I see them faking. Jump. Black J's up. We in your town, running up, throw it up so we can get down. Black on black, Blue Jays on top the crown. And now in tune to the number one sound. Blue boys brown bag, they liquor and they walk in the street with it. Rainbow anything, you never see me with it. Big Matic shot, my respect's automatic. German Luger, Cardinal never needed it. Niggas hungry in the street, so we feeding it. Pretty fierce, ugly body, I couldn't be with it. Words from the most high, I heeded it. You know it ain't my baby, maybe he did it. His fierce was in front, the knuckle, I bleeded it. Niggas dropping dimes, aka they bleeded it. They might smoking and I probably did it. You soft pranks, why you lying trying to be gangster? Everybody gone gangster, nigga, gangster. Everybody gone gangster. Everybody gone gangster, nigga. Road boy, everybody gone gangster. Everybody gone gangster, nigga, gangster. Everybody gone gangster. Road boy, everybody gone gangster, nigga, gangster. Everybody gone gangster. You know, this ain't a comedy like Benny Hill. Guns should sing like Lauryn Hill. Blood spill from now until. Lyrically, everyone gangstering. But who wanna take it to the streets? Who? Nobody answering. Bullets to your brains like aspirin. The art of war we've been mastering. We got arms like George Bush, heart like Bin Laden. Projects and the schemes of Jamaica we've been trying. Murder, extortion, kidnapping, bribery and drug money laundering. Alice and Stevie keep wandering. How some pussy can't move it. We shoot like a video or a movie. Bloodbath? No, blood jacuzzi. Beretta, Calico, Uzi. Make big man a scream like Susie. Be very spooky, our war never marginal. So if a nigga try this cardinal, leave and return like the prodigal. Finish everybody, gal. Finish everybody, gal. Ha ha. Everybody gone gangster, nigga. Gangsta. Everybody gone gangster. Everybody gone gangster, nigga. Rude boy. Everybody gone gangster. What am I doing? Everybody gone gangster, nigga. Gangsta. Everybody gone gangster. Rude boy. Everybody gone gangster, nigga. Gangsta. Everybody gone gangster. Yo, I can't believe some niggas that I know. Ooh. Suburb niggas walking with their face crooked. Talking about the gangster cause it's what to do. Wanna do crimes but them no want time. A lot of niggas say shit just to say it. Holding my Clevins but them no want spray it. F all the acting, you why every day it. No heat, no heat, big talk beat. Some Denzel niggas say it, never see it. You looking for the truth, look no further, we it. Vibes cartel and cardinal with the history. Why you wanna be a big punk is a mystery. Just one man, do what you do. Nobody hype after me, nobody look on my crew. Chop! All these fake niggas running around thanks to fake ass rappers gone gangster. Yeah! Everybody gone gangster, nigga. Gangster. Everybody gone gangster. Everybody gone gangster, nigga. Rude boy, everybody gone gangster. Yeah. Everybody gone gangster, nigga. Gangster. Everybody gone gangster. Rude boy, everybody gone gangster, nigga. Gangster. Everybody gone gangster. Everybody gone gangster, nigga. Gangster. Everybody gone gangster. Everybody gone gangster, nigga. Rude boy, everybody gone gangster. Yeah. Everybody gone gangster, nigga. Gangster. Everybody gone gangster. Rude boy, everybody gone gangster, nigga. Gangster. Everybody gone gangster. Was identity. Freshmen in a city of obscenity. Tried to match faces with names, but they retained anonymity. Lost restraint, she has to bank on the kindness of others that pass away. Wishful thinking, straight edge against my drinking. Who would think her instincts would be sinking? Linking up with clicks without a light switch. Light switch. She had to turn her tight, she couldn't fight it. Sex was insignificant, but she transferred for acceptance. She wanted their dissidence, their reactions and directions. How could she all alone in this sort of place? Faced with eating disorder, disgrace to the family name. Calamity days, tragically based on her sister's insanity claims. Apparently I'm scared to see just where she'll be. It seems she's living too deep vicariously. She's living too deep vicariously. Vicariously, she's living too deep. Vicariously, they're living through me. Vicariously, she's living too deep. Vicariously, they're living through me. Vicariously, she's living too deep. Vicariously, they're living through me. Vicariously. The matriarch is lost in the dreams and contentions. She tears the notebook and makes supreme her intentions. Ambitions at a high, leaves a lean of impression of her fading days and nights of expression. Daughter's got a version, she wants to be autonomous. Her mother details every purchase to the smallest opulence. Honestly, they still scrapbooked on the monthly. Memory assembly and it was all lovely. But she was a dancer, well I knew a few of them. And she knew a few of me, but I knew would begin to take its toll on the girl. A girl of society and a flop out fraternity. She's shirking sobriety. Some jerk's liability is to enter her facility. But the lock's on, his cock's got a mind of its own. She tried to knock off, but the jock talked to Papa Chocks. But he got his rocks off without a line of condone. She's living too deep vicariously. They're living through me vicariously. She's living too deep vicariously. They're living through me. Vicariously, she's living too deep. Vicariously, they're living through me. Vicariously, she's living too deep. Vicariously, they're living through me. Vicariously, front row knee. mean it's not a sister, but she tries to just greet an artist meet her, see if she can get her eyes from the center of his being. What's her meaning? You can tell she does this frequent, from the skull ring to the sequence. She was seeking to get free since that one fateful evening when things even out. Acquaintance to the coolest, but a best friend to scout. She wasn't meek in her speech, but the intent was real gritty. How shitty, the girl just wanted to feel pretty, and now she's out strong. How dumb can you get? Dumb enough to get hung by a mood swing set. Dumb enough to get slung between run through vets. Dumb enough to get stung in between sunsets. Sure, the girl's been worked, she's past delirious. Still she's going down under, like, yeah, who's serious? And I got that from the light in her iris. Vibrant, but somehow virulent. She's living through me vicariously. They're living through me vicariously. She's living through me vicariously. They're living through me vicariously. She's living through me vicariously. They're living through me vicariously. She's living through me vicariously. They're living through me vicariously. Put them pussy on me. I'm gonna put the pussy on. that pussy on me. Put that pussy on me. Push me in the corner, put that pussy on me. Put that pussy on me. Put that pussy on me. Put that pussy on me. Push me in the corner, put that pussy on me. Put that pussy on me. On devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier. Ah, je te jure, il a tous les talents, ce Steven Seagal. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM, je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit et se termine, car c'est déjà ma dernière intervention au micro pour cette édition. On vient de terminer avec du hip-hop, c'était la pièce Il Galant Galos des Robots de la Rime, c'est bien sûr un mash-up, un remix même d'une pièce de M.I.A. Un peu avant, on avait Spank Rock avec Put That Pussy On Me, c'est le Joss Console Remix. Un peu avant, Cadence Weapon, c'était la pièce Vicarious, tirée de son album Breaking Kayfabe, et on a débuté avec un extrait de l'album Fire and Glory de Cardinal Official, c'était Everybody Gone Gangsta. On va se laisser avec de la musique de cowboy. On va tout d'abord débuter avec les Two Gallants, ensuite on va y aller avec les Canadiens Cuff the Duke, ensuite une pièce enregistrée live d'un concert de Calexico, et si on a le temps, on va terminer avec du Against Me. C'est tout pour moi, je m'appelle André Péloquin, merci d'avoir écouté cette émission, ça fait plaisir de vous savoir plus ou moins nombreux. Je sais que ma mère écoute, ça fait déjà une personne. Et si vous avez des questions, des commentaires, ça, bourrez ma boîte de courriel. Et surtout, j'aime le spam, alors si vous avez des annonces de gros pénis de sites web porno à consulter, j'adore ça, j'adore le spam. C'est André Péloquin qui en a marre de dire des niaiseries, alors je vais laisser le micro à quelqu'un qui a du contenu, c'est-à-dire Candide Proulx et son palmarès du jeudi. Salut tout le monde! I shot one man on the county line. Took his time and I blew his mind. And I'm just sitting here doing time. So don't you rise no more. Well, a restless wind is whistling through my window, through my head, through all the strikes that I've survived. And in my hour of darkness, I keep counsel with the dead, just enough to remind me I'm governor for to hear my plea, but he don't even answer me. Judge said he's gonna set my spirit free, so don't you rise no more. Gavel fell, he chose the day, gallows high, 13th of May, but I don't plan to go that way, so don't you rise no more. Good night, my Andalusian. Don't buy And though you're heading slowly to some place I can't respect, I'll keep you in my collection of regrets. And that's 21 hell by my gun. Lord, they all feel the same. Just need one more. Risk of the chaparral sage. Well, desperate times call for desperate men. I'm just a kid, but I'll pretend my time will come. But until then, sun, don't you rise no more. I see the gallows altar that circle round the sun. They're gonna hang me if I stay here, and they'll shoot me if I run. Jail, I better watch his pride. On my wrist, these shackles slide. In my restless 45, so don't you rise no more. Good night, my Andalusia. Don't buy all the lies that they feed you. And though you're heading slowly to some place I can't respect, keep you in my collection of regrets. Down the highway, down the road, to infamy I'll ride. I'll take my pardon on the run, with a trail of death behind me and Della Vita at my side. Two silhouettes against the sun. Well, I spent last night in Las Cruces jail, raining hail, born to fail. Nobody come, born to go my bail, so don't you rise no more. Understand how really broke I am. You sit behind your desk, count every penny you own. You and your stupid smile, I hope you both die. I have no money left, I have no reason to try. Sick and tired of all your bullshit. The rich get richer and the poor get treated like shit. I'd spare a dollar, sir, but I don't have a dime. I sit around town living off overdrive. city, the end and emptiness of our sound, the injustice of our greed, the practice we inherit, the dirt and the scarcity, the end and emptiness. Got the evidence to prove it. Mistakes are obvious. The vaults are glaring.